Bonjour à toutes, bonjour à tous les auditeurs de Fadjet, bienvenue pour ce nouveau numéro des bons plans solidaires. Avec aujourd'hui comme chroniqueur, nous avons Laetitia, nous aurons Sandrine, nous avons Damien et nous aurons Vincent. Le bon plan solidaire est une émission qui est proposée par Fadjet et le groupe solidaire actif de l'association Arelia. Allez les chroniqueurs, vous avez bien bossé ce mois-ci. On va démarrer par une première chronique. C'est Vincent qui va nous parler d'un événement à venir qui est le fameux NJP. Vincent. Oui, donc le NJP 2020 aura bien lieu malgré le Covid et c'est une bonne nouvelle du 3 au 17 octobre 2020. C'est la 47e édition du festival. Évidemment, en raison de la crise, une nouvelle organisation est proposée mais n'enlèvera rien au succès habituel du festival. NJP est un festival de jazz à Nancy qui se déroule du 3 au 17 octobre 2020. Cette année, il s'agit de la 47e édition. Covid-19, le festival de musique NJP à Nancy aura bien lieu en privilégiant le plein air. Les principaux artistes cette année: André Manoukian, l'incontournable actuellement Biruli Lagraine et Sylvain Luc. On ne les présente plus. Greg Slapp, ex-harmoniciste de Johnny Hallyday, Pomme, la révélation 2020, Mitch Tornade et bien d'autres. Le traditionnel Nancy Jazz Poursuite, en ouverture du festival, se vivra en open air et investira plusieurs places du cœur de la ville. Les apéros jazz sont repensés façon collection et présentés dans des lieux emblématiques du patrimoine local, et non plus dans les bars, en faisant la part belle aux artistes internationaux et régionaux. Nancy se part de jazz, de tous les jazz, comme un grand jeu de pistes musicales à travers la ville du théâtre de la Manufacture à l'Opéra. Sans oublier le hublot et naturellement la pépinière et son chapiteau. Et pour les assoiffés de sensations qui en voudraient encore, c'est aux Magic Mirrors qu'ils laisseront libre cours à leurs émotions en s'électrisant jusqu'au petit matin. Un festival off, réinventé en open air dans toute la ville. Parc en fête, nouveau rendez-vous qui remplace cette année l'habituel PEP en fête en se déployant dans 10 parcs de la ville, dont bien sûr la pépinière, pour une série de concerts gratuits, toujours le 11 octobre. Les apéros jazz sont repensés façon collection et présentés dans des lieux emblématiques du patrimoine local. 6 concerts à la Manufacture, 8 concerts à la Salle Poirel, les salles partenaires traditionnelles que sont le CDN, Théâtre de la Manufacture et Poirel, accueilleront différents concerts assis. Un artiste par soirée, entr'acte impossible, dans un cadre toujours aussi prestigieux. La programmation de NJP se clôturera par 4 jours en extérieur à l'autre canal. Les transports. Pour faciliter l'accès aux loisirs, le Conseil régional de Lorraine met en place une tarification TER spécial Métro-Lor Loisirs. Tandis que sur le réseau urbain, réseau Stan, le tram, les lignes 1, 2, 3 et 4 sont prolongées jusqu'à 2h30 du matin pendant toute la durée du festival. Bon festival à tous. Eh bien merci Vincent pour cette belle chronique. Je sais que tu as assisté à la conférence de presse du NJP, donc tu nous as ramené toutes ces informations et maintenant pour le mois d'octobre on sait exactement ce qui va se passer. On continue maintenant avec Laetitia. Laetitia, tu as un bon plan aussi à nous présenter, je te laisse faire. Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler du jardin éphémère. Tous les ans, la direction des parcs et jardins imagine une nouvelle création autour d'une thématique liée à l'actualité et dévoilée au début de l'été. Donc il y a les voyages, l'histoire, le patrimoine, les villes jumelées et la science. En septembre, après plusieurs mois de travail, le résultat est dévoilé pour le plus grand plaisir du public. Le thème de cette année 2020 sera la terre ou le désert. Les jardins qui attirent chaque année de nombreuses personnes se déroulera du 12 septembre au 1er novembre, sous l'aspect d'un œil géant avec une pupille en forme de rose des vents. Et ben voilà une belle animation sur la place Stanislas pendant un mois. Et donc c'est à partir de samedi 11 l'inauguration pour tout un mois. Merci Laetitia. Alors nous voilà maintenant avec Damien qui nous a proposé aussi une chronique de rentrée. En fait il s'agit d'un bon conseil, comment nettoyer son frigo naturellement et de manière efficace. Oui, c'est ça, Lionel. Bonjour. Alors, prenez un citron jaune que vous coupez en deux. Mettez une moitié au milieu du réfrigérateur et l'autre moitié dans le bac à légumes. Changez votre citron tous les 4 jours. Par contre, je vous conseille aussi de nettoyer votre frigo à peu près tous les 2 mois. Et pour cela, il faut débrancher votre frigo, le vider et nettoyer-le avec du vinaigre d'alcool ou une éponge avec de l'eau chaude. Réessuyez avec un torchon propre et laissez le frigo ouvert à peu près une demi-heure. Et grâce à cette astuce, votre frigo prendra régulièrement un bain de jouvence. Merci Damien pour cette bonne chronique. On va maintenant passer avec Sandrine, ta première chronique, c'est parti. Oui, bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter les 5 bonnes astuces pour réussir la rentrée scolaire des enfants et de la famille. Alors, première astuce, trier les vêtements qui sont dans les armoires des petits et des grands et voir ce qui peut être réutilisé pour une nouvelle année. Il est possible de faire des échanges avec d'autres mamans, amis ou de la famille. Cela évite de racheter plusieurs fois les mêmes vêtements. Concernant les affaires scolaires qui sont restées dans les sacs d'école de l'an passé, vous pouvez faire le tri également des affaires qui ne sont plus utilisées. Une étude a été réalisée et on constate que l'on peut aller jusqu'à plus de 30% d'économie dans le coût de la rentrée scolaire en faisant ce tri. Deuxième astuce, reprendre un rythme. Il faut reprendre les bonnes habitudes et même sans attendre le jour de la rentrée. C'est mieux de reprendre un bon rythme une semaine avant, tel que l'heure des repas, l'heure du lever et du coucher, faire quelques activités ludiques ou lire en fin de journée, avant l'heure du repas, pour se remettre dans le rythme des devoirs. Je passe à la troisième astuce. Préparez avec vos enfants leur tenue pour l'école pour 2 ou 3 jours ou pour la première semaine. C'est un beau moment ensemble, ils se sentent grands et vous éviterez ainsi le stress et les tensions de la semaine de rentrée. Quatrième astuce, préparez un petit déjeuner copieux, vitaminé et équilibré. Vous pourrez vous-même, selon vos goûts et les goûts de votre enfant, choisir ce que vous aimez, voilà, et faire de ce moment un petit temps convivial. Cinquième astuce, pensez aux activités extra et périscolaires ou à l'inscription au club de foot ou autre sport, et le plus tôt possible avant qu'il n'y ait plus de place. Les derniers inscrits auront moins de choix. Et surtout, un dernier conseil important, avant de partir à l'école, vérifiez que vos enfants ont bien des mouchoirs en papier, des masques Covid pour les plus de 11 ans, et un petit flacon de gel hydroalcoolique. Enfin, et si c'est la première rentrée scolaire de votre enfant, prenez vous aussi des mouchoirs en papier, ça pourra vous servir. Allez, bonne rentrée à tous, et les petits loups, et à vous les parents. Merci Sandrine pour cette belle chronique. Il est déjà temps de faire la pause musicale, nous sommes en septembre, alors nous allons écouter Earth, Wind & Fire avec leur titre emblématique September. A tout de suite. Chasing Alors, après ce titre de Heaven Fire, on reprend le cours de notre émission et c'est Sandrine qui va nous présenter une seconde chronique, je crois, avec un bon conseil de rentrée aussi, mesdames, pour nettoyer vos bijoux. Oui, c'est ça, tout à fait, Lionel. Donc, je vais vous donner un bon conseil de rentrée pour nettoyer vos bijoux. Il vous suffit de prendre une brosse à dents à poils souples avec du dentifrice et vous passez dessus avec vos bijoux que vous souhaitez nettoyer. Vous pouvez faire cela une fois tous les mois ou tous les deux mois, selon la saleté de vos bijoux. Voilà, voilà. Eh bien, merci Sandrine pour cette belle chronique. On continue avec Damien et on est toujours dans la rentrée. Et il t'est arrivé une petite mésaventure avec ton chat et tes plantes. Raconte-nous tout ça. Oh là là, oui. Eh oui, il n'est pas bon d'avoir un chat, moi je vous le dis les amis. Et donc, moi, mon astuce d'aujourd'hui, c'est comment protéger vos plantes dont raffole votre petit chat. Hein, parce que comme on le sait, les chats adorent ce qui pendouille. Hein. Mais bon, là on parle de plantes. Hein. Après le reste, ça, il met ses coups de griffe là où il veut, le petit minou. Hein. Bon, pour la tranquillité de vos plantes, qui sont souvent ravagées par les chats, un petit conseil. Prenez du poivre noir ou poivre gris fin. Non pas pour mettre sur le chat, hein, après, que vous faites ce que vous voulez. C'est pour saupoudrer un petit peu sur le dessus de votre pot de fleurs. Et votre chat reniflera une fois, mais vous verrez, il n'y reviendra plus. Allez, bonne santé à vos plantes. Merci Damien pour cette belle chronique. Eh bien, on retrouve maintenant Laetitia pour une nouvelle chronique. Et je crois que c'est une bonne affaire sur Nancy pour relancer la consommation. Laetitia, explique-nous tout. Oui, tout à fait. Alors, c'est sur les bons d'achat bonifiés. On a 25% pour les Nancéens. Alors, je vais vous expliquer. Pour accélérer la reprise économique sur son territoire, la ville de Nancy propose aux Nancéens d'acquérir de bons d'achat dont la valeur faciale est bonifiée de 25%. Par exemple, un bon d'achat de 10 euros sera acheté 8 euros. Ils peuvent être utilisés dans les commerces de la ville participant à l'opération. Les Nancéens achetaient des bons depuis le 24 août 2020. À la veille de la rentrée scolaire, toujours synonyme de dépenses supplémentaires, et jusqu'au 15 décembre, il vous suffit de produire un justificatif de domicile pour en bénéficier. Ils doivent être utilisés avant le 30 janvier 2020, ce qui inclut les soldes d'hiver. Vous pouvez acquérir ces bons via le site internet du Grand Nancy, à l'office du commerce ou encore dans les mairies de quartier, de Houssonville et du Haut-du-Lièvre. Ça peut être intéressant. Ah oui, une super affaire et une super occasion de relancer aussi le commerce de proximité, Laetitia. Bonne initiative de la mairie de Nancy. Oh, bien vous savez, il est déjà presque l'heure de terminer notre émission, mais avant cela, on a Vincent qui revient pour une seconde chronique, une chronique musicale. Il va nous présenter un album d'un groupe de rock, un album qui vient de sortir ces jours-ci. À toi, Vincent. Oui, donc je vais parler du groupe Napalm Death, qui sort son album Sea of Jaws in a Jaws of Defeatism. Donc ce groupe nous vient d'Angleterre. Donc le grindcore est un genre musical extrême dérivé du crust punk. Le grindcore est une musique extrême, directe, rapide, brutale et sans concession. Donc ce groupe existe depuis 1982. C'est vraiment le pionnier du genre grindcore. Et j'ai choisi ce groupe car dans l'un de leurs clips, le bassiste du groupe, qui s'appelle Sean, s'affiche avec un t-shirt d'un groupe dénommé Blockheads, qui est un groupe de grindcore nancéen. Donc belle vision rock-metal pour la ville de Nancy. On peut d'ailleurs noter que ce groupe a joué à Nancy en compagnie du groupe nancéen Blockheads en 2013, à l'autre canal, et à Metz il y a 2 ans. Bref, un album incontournable pour tous les fans de ce genre musical. On espère les revoir très vite à Nancy, et vous pouvez les découvrir sur YouTube. Je vous rappelle leur nom, les Napalm Death. Merci Vincent pour ta chronique musicale. Voilà ce qui pourrait aussi être régulièrement à l'honneur dans notre émission des bons plans solidaires. Et bien voilà les auditeurs de Fadjet, le numéro des bons plans solidaires se termine. On remercie beaucoup Laetitia, on remercie Sandrine, on remercie Damien, on remercie Vincent. Merci à vous les auditeurs de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, protégez-vous bien de la Covid-19 et on vous laisse avec la suite des programmes de Fadjet. À bientôt, ciao ciao, ciao.